quartier pourri, la zone du showbiz, les stars d'une rue. Ils sont sur l'avenue au son des nouveaux tubes, radio, cassette à fond, ils font monter le son. Le gang est hyper cool, il fait vibrer la foule. Et tous ils se défoulent sur la musique qui coule. Du haut des réverbères qui sont les projecteurs de ces artistes à part une lueur d'espoir. De music hall, de show télévisé et même de grandes écoles de danse pour progresser. Les artistes oubliés de la danse du showbiz continuent leur ballet à travers cette vie.